À mon avis, il faudrait être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Douce est la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits légères enchaînées au cœur des Vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec aujourd'hui Gabrielle de Breuil. L'Académie des sciences morales et politiques change chaque année de président. Chaque année, le président de l'Académie des sciences morales et politiques propose également un thème qui fera l'objet d'une réflexion plurielle au cours des séances de l'année. Ainsi, par exemple, en 2003, sous la présidence d'Emmanuel Leroy-Ladurie, le thème fut « Les grands personnages ». Et en 2004, sous la présidence de Michel Albert, le thème était « Point de vue sur l'Europe ». Nous écoutons chaque matin les interventions de l'année 2005, lesquelles, placées sous la présidence de l'historien Jean Tullard, ont pour thème « Peut-on faire confiance aux historiens ?». Après des études à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'ENA, Gabriel de Breuil deviendra conseiller d'État. Il est devenu depuis conseiller d'État honoraire. Il fut membre de plusieurs cabinets ministériels, celui d'André Malraux, de Jean-Marcel Jeannet, de Maurice Schumann, de Maurice Couve de Murville, d'Édouard Michelet ou encore d'André Bettencourt. Pendant 18 ans, Gabriel de Breuil se consacre à l'audiovisuel. Il sera directeur général de Radio France, président de l'INA, membre de la Haute Autorité de l'Audiovisuel ou encore membre de la Commission nationale de la communication et des libertés. Historien, il publie des biographies et des études sur, par exemple, le XXe siècle. Comme essayiste, il donne des témoignages sur ses activités, le Conseil d'État, la télévision, la langue française. Passionnément bibliophile, il préside depuis 1980 la Société des bibliophiles François. Ses ouvrages ont reçu de nombreux prix. Il a été élu en 1997 à l'Académie des sciences morales et politiques et à l'Académie française en 2001. Il fallait un historien, qui fut également un écrivain comme l'est Gabriel de Breuil, pour saisir tous les paradoxes de la figure qu'il aborde ce matin, celle de François Guizot. C'est une tâche redoutable que d'évoquer un historien aussi complet et aussi important que Guizot devant la compagnie la plus érudite et qui a entendu dans le passé les éloges de Guizot par Jules Simon à la mort de celui-ci et au centenaire de sa mort par Pierre Clarac. en 1974. Sans parler des hommages qui ont été rendus à Guizot à l'Académie française et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, dont il était également membre. Alors, comme il n'est pas concevable de l'avoir relu l'ensemble des ouvrages historiques de Guizot, surtout en cette période de l'année, ni de posséder le talent de nos prédécesseurs, seul le recul du temps et les travaux récents me permettront peut-être de brosser un portrait sous une vue globale du personnage, mais sous l'angle de l'historien. Mais auparavant, en effet, je rappellerai pour commencer que Guizot est le refondateur plutôt que restaurateur, car elle n'était pas une académie précédemment, de notre académie. Nous savons tout sur les décisions qui, en 1795, ont créé la deuxième classe de l'Institut sous le nom des sciences morales et politiques. En 1803, on supprimé cette classe. En 1816, refusé de la rétablir. Et en 1832, sur la proposition de Guizot, ministre de l'Instruction publique, créé l'Académie des sciences morales et politiques. Nous avons lu le détail dans la présentation qu'en a faite Henri Amouroux dans le livre « Histoire des cinq académies » paru en 1995, mais présentation après celle de Charles Lioncan, d'Émile Mirault, du baron Sellière et de Jules Simon. Ce qui mérite peut-être un mot de commentaire maintenant, c'est l'appellation de sciences morales et politiques et les variations au cours des âges de la notion que recouvre cette dénomination. C'est Condorcet, le premier, qui, dans son discours de réception à l'Académie française en 1782, faisant en tant que mathématicien l'éloge des sciences, pose en pendant des sciences physiques les sciences morales. Je le cite, « Presque toutes nées de nos jours, dont l'objet est l'homme même, qui doivent suivre les mêmes méthodes que les premières, acquérir une langue également exacte et précise, atteindre au même degré de certitude. » Puis, en 1792, le chantier de la Révolution étant engagé, le même Condorcet proclame « Les sciences morales et politiques, cette fois-ci, c'est les deux, ne doivent pas être séparées et on n'a pas dû les confondre avec d'autres. » Mirabeau, lui, avait parlé des sciences philosophiques dans son premier projet de création de l'Institut. Et l'abbé Grégoire et Daunou reprennent l'appellation de Condorcet de 92 et la convention renversée, le directoire, crée la deuxième classe de l'Institut sous le nom des sciences morales et politiques. La notion de sciences morales et politiques est donc directement héritée de la philosophie des Lumières. Après l'accident de la Terreur, la politique sort du domaine des passions et peut entrer dans l'âge scientifique. Différentes disciplines permettront de fonder scientifiquement la marche de la société et d'éviter les conflits. La psychologie sociale, la législation, l'économie politique. Ce sont des sciences. Et même pour mieux marquer l'ampleur de la transformation, c'est une science que certains désignent déjà comme la mathématique sociale. Le premier consul n'a pas exactement supprimé les sciences morales et politiques. Issu lui-même de la philosophie des Lumières et membre de l'Institut, il a, dans une réorganisation plus vaste, fait de trois classes, dont les sciences morales et politiques, quatre classes sans les sciences morales et politiques. Vaste réorganisation qui permettait de répartir les membres de l'ancienne deuxième classe entre les quatre nouvelles. L'objectif est bien clair, il s'agit de disperser les idéologues, c'est-à-dire un foyer d'opposition à son pouvoir personnel qu'anime Volney, La Révélière-Lépaud, l'abbé Grégoire, Dupont de Nemours, Garat, tous nos anciens confrères, et l'opération politique est en même temps, évidemment, une négation du concept même de sciences morales et politiques. Il faut noter que la restauration n'a pas restauré. Et pour les mêmes raisons, politique d'abord, il y a parmi les anciens membres de la deuxième classe des régicides, et philosophiques et politiques ensuite, sous la monarchie restaurée et légitime comme sous un régime autoritaire, il n'y a pas une discipline regroupant les sciences morales et politiques. Ce n'est précisément pas l'avis des libéraux et des doctrinaires sous la Restauration. En 1819, d'anciens membres de la deuxième classe tentent de se réunir autour de Roederer. Guizot, de son côté, crée une société privée des sciences morales et politiques de 30 membres. On y trouve Royer Collard, Victor de Broglie, Destutt Tracy, de Gérandeau, Roederer, Langevinet, Benjamin Constant, Volney. Et parvenu au pouvoir, il propose en 1832 à Louis-Philippe de rétablir l'ancienne classe sous le nom d'Académie. L'appellation n'est pas changée, mais la notion n'est plus la même. Il s'agit, je le cite, de réunir des hommes remarquables en différents domaines, la philosophie, le droit public, l'histoire générale, l'économie, qui, sans eux, resterait sans lien. Il s'agit de créer une sociabilité intellectuelle et savante sur laquelle le régime de Juillet puisse s'appuyer. Une réunion des notabilités du juste milieu. Il est à peine question de science dans le projet de 1832, mais de raison, de politique rationnelle, si l'on veut, destinée à conjurer les menaces toujours présentes de l'autoritarisme, de la révolution, du socialisme. Il n'est plus question, en tout cas, d'une science de la société. Parmi les sections, par exemple, on en trouve une d'administration, qui n'est pas une discipline scientifique. Mais on ne trouve plus la géographie, qui est renvoyée aux sciences, à l'Académie des sciences, et qui pourtant est une discipline scientifique. Et en économie politique, la simple statistique a remplacé l'idéal de la mathématique sociale. Les enquêtes sociales, en effet, apparaissent comme l'un des moyens d'améliorer la conscience de la société. La nouvelle Académie, nous le savons, s'y lance avec conviction, mais bientôt, ces enquêtes deviennent des armes aux mains des réformateurs utopistes ou simplement des médecins hygiénistes et, en tout cas, suscitent la méfiance des anciens doctrinaires. L'économie politique paraît moins périlleuse à celle-ci que la statistique. Et Guizot, devenu chef du gouvernement, convainc son Académie d'y renoncer et d'accorder finalement plus d'importance aux idées qu'aux chiffres. Louis-Philippe avait d'ailleurs accueilli le projet de Guizot en marquant les limites. Je cite Louis-Philippe, « Cette Académie sera très utile, pourvu qu'elle ne soit pas trop pressée de se faire écouter et qu'ailleurs on ne fasse pas trop de bruit. » L'appellation de sciences morales et politiques ne sera désormais plus mise en cause, ni par le Second Empire, ni par la République. Mais le concept n'a-t-il pas évolué? Dans les années 1960, on a avancé celui des sciences humaines, avec souvent un présupposé matérialiste. Pour notre Académie, une telle appellation ne correspondrait pas à un élargissement de son champ de vision, mais à un rétrécissement. Alors, des sciences morales de Condorcet aux sciences humaines d'aujourd'hui, devons-nous nous interroger encore sur notre appellation et sur le sens de cette « et » qui relie les sciences morales et politiques? Est-il cumulatif ou alternatif? Pas tout à fait l'un, pas tout à fait l'autre. À mes yeux, le sens cumulatif prédomine. Mais gardons-nous en tout cas de modifier une appellation consolidée par la tradition et dont nous savons, nous, ce qu'elle recouvre, un certain pragmatisme dans les méthodes, une très grande ouverture d'esprit et une haute ambition dans les objectifs. Toute la carrière de Guizot est marquée par une tension entre l'historien et le gouvernant. Je vais tenter de donner un rapide portrait du personnage avant de proposer ma réponse à la question « Faut-il faire confiance à l'historien ?» Guizot a occupé la scène pendant 62 années, une scène imprégnée d'une histoire dont il a tour à tour donné les leçons et les exemples. Son portrait ne peut être que cinétique, il est successivement l'historien avant le pouvoir, l'historien au pouvoir et l'historien après le pouvoir. De 1812 à 1830, sa fulgurante carrière de professeur a donné les plus beaux moments de la chaire, du grand amphithéâtre de la Sorbonne où se succédaient Guizot, Cousin, Villemain, et que rappellent les grandes fresques du vestibule du premier étage. Mais cette carrière a été interrompue à trois reprises par la politique. En 1812, Guizot a 25 ans. Avec dispense d'âge, de formation germaniste et littéraire, mais ne possédant aucun diplôme, il entre presque fortuitement à l'université par le sommet, en qualité de premier titulaire de la chaire d'histoire moderne. Fontane le choisit pour lutter contre l'irréligion et équilibrer l'influence des disciples des philosophes. Il jouit d'une réputation dans les cercles intellectuels, mais il n'a pas fait d'études d'histoire qu'il va apprendre en même temps qu'il l'enseignera. Ses adversaires prétendront qu'il choisit, pour masquer ses lacunes, le sujet le plus général qui soit, l'histoire de la civilisation depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la période moderne. Mais dès sa leçon inaugurale, on assiste à la naissance d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle école historique, que l'on a proprement appelée l'école philosophique, par opposition à l'école narrative, représentée par Thiers et Migniet. On devrait dire plutôt école théoricienne, fondant sur des sources nombreuses, nouvelles et contrôlées, une théorie de l'évolution sociale de la période considérée. En 1814, la Restauration l'arrache à l'université, lui confie des fonctions dans les ministères. En 1820, la chute de la Restauration libérale le renvoie à l'université. Son deuxième cours a pour sujet l'histoire du gouvernement représentatif en Europe. Ce cours est très politique et sert de prétexte à des attaques contre le gouvernement. Son auteur est suspendu en 1822 et se retrouve sans traitement, obligé de gagner sa vie par des publications diverses. C'est alors qu'il ouvre les chantiers qui occuperont toute sa vie. L'histoire de la civilisation, l'histoire de France avec les essais sur l'histoire de France et la collection des mémoires relatifs à l'histoire de France qui compte 30 volumes. Et troisième chantier, l'histoire de la Révolution d'Angleterre. Elle aussi très politique à l'époque puisqu'elle est destinée à prôner la substitution dynastique qui délivrera pacifiquement la France de la monarchie absolutiste de la branche aînée. Il s'agit d'une histoire narrative qui s'appuie elle aussi sur l'étonnante collection des mémoires relatifs à la Révolution d'Angleterre, 25 volumes, dont personne ne sait comment Guizot, qui n'est jamais alors allé en Angleterre, a pu les réunir et les traduire avec une sûreté qui fait aujourd'hui encore l'admiration des historiens anglais. En 1828, Guizot est rétabli dans sa chaire. Il reprend son cours sur l'histoire de la civilisation en Europe et l'année suivante en France. Et c'est alors un immense succès. L'éloquence irrésistible, la pensée ferme, l'érudition illimitée, la force démonstrative transportent l'auditoire. Les auditeurs sont invités à étudier les faits avant le cours. Si bien que le cours n'est pas proprement un cours d'histoire, mais un cours de philosophie à propos de l'histoire, qui évoque les évolutions lentes des premiers siècles, démontre la complexité des causes, replace l'homme dans la société pour analyser la marche de l'humanité dans cette période confuse, démontre le mécanisme du progrès de la civilisation. À travers le mélange des races, la révolution communale, la féodalité, c'est une vieille France que l'Antiquité et le classicisme avaient fait oublier, qui réapparaît comme un romantisme qui serait à la fois une renaissance. Ces trois années d'enseignement marquent le sommet de l'art et de la renommée de Guizot historien. Goethe fait éloge de sa profondeur et de sa pénétration, Tocqueville ne manque pas une leçon, Montalembert et Sainte-Beuve sont ses auditeurs, Guizot dit sobrement « C'est une époque de ma vie, et peut-être aussi une époque d'influence dans mon pays ». Ces années marquent aussi l'accession du professorat au rang de puissance sociale. 1830 est la victoire des historiens. La politique va enlever à l'histoire Guizot, Thiers, Villemain, Cousin, Barante. Pendant les 18 années suivantes, Guizot est au pouvoir. La période se divise en deux. Avant 1840, il est ministre. Après, il est le chef du gouvernement. Dans les deux cas, il campe la figure la plus haute de l'historien au pouvoir. Au ministère de l'Instruction publique, qu'il occupe de 1832 à 1837, avec 7 mois d'intervalle, Il est non seulement historien-ministre, mais le ministre de l'Histoire. Et il met en œuvre une politique de l'Histoire. Dès la période précédente, il avait repris à son compte la démarche du comité des chartes de Moreau à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, en l'élargissant et en publiant en quelques années, comme je l'ai dit, 56 volumes de documents historiques. En 1833, il fonde à titre privé la Société de l'Histoire de France, avec ses amis Fauriel, Vitet, Thiers, Champollion, Figeac, Mollet, Pasquier. Ils furent bientôt plusieurs centaines et publièrent 71 volumes de documents inédits. Mais il appartenait au gouvernement de coordonner, d'inspirer, de financer un tel projet. Il crée donc, le 31 décembre 1833, avec les mêmes auxquels il adjoint Quinet, Michelet et Augustin Thierry, le comité des travaux historiques, avec pour mission, je cite, de publier tous les matériaux importants et encore inédits de notre histoire nationale. Projet d'une ambition prodigieuse et d'une portée politique évidente, élargir le champ de la recherche et donc de la conscience historique aux dépôts qui existent partout dans les régions, les départements, les villes, les tribunaux, les professions, c'est élargir l'histoire au monde civil, religieux, moral, scientifique, littéraire. Ainsi ne traitera-t-elle plus seulement des batailles et des traités, mais des idées, des usages, des mœurs, des rites. L'impulsion qui a été donnée l'a été définitivement, elle a eu des effets d'entraînement heureux, les villes et les départements se sont intéressés à leurs archives et à leur passé, l'activité intellectuelle est revenue en province, les sociétés savantes d'histoire, d'archéologie, d'antiquaire ont connu un essor remarquable. La politique historique de Guizot ne se limite pas à la publication des archives, ni même à leur conservation et à l'organisation de la recherche. Guizot a rétabli l'histoire dans l'enseignement primaire et secondaire. Il a le premier, d'ailleurs, dégagé la notion de corps enseignant et lui a reconnu, sous l'autorité de l'État, la dignité et l'indépendance d'un corps intermédiaire. Il a créé la Commission des arts et des monuments, qui est l'ancêtre de l'inventaire général des richesses artistiques de la France. Il a fondé la Commission des monuments historiques et les inspecteurs des monuments historiques, dont les premiers furent Vitet et Mérimée, avec pour tâche la description du patrimoine archéologique autant que la restauration des monuments. Guizot a apporté son concours au projet de Louis-Philippe de créer à Versailles le musée de l'histoire de France. Il a créé plus tard l'école française d'Athènes, il a réformé l'enseignement de l'école des chartes et il a animé personnellement jusqu'en 1848 le comité des travaux historiques. Le rétablissement de l'Académie des sciences morales et politiques s'inscrit naturellement dans cette conception d'ensemble. Après 1840, comme chef du gouvernement, l'identification est moins évidente. Ou plutôt, elle laisse apparaître, du point de vue qui nous occupe, qui est celui du rapport entre le gouvernant et l'histoire, une dissociation surprenante entre la politique étrangère et la politique intérieure. En politique étrangère, Guizot définit la diplomatie de la France nouvelle, conformément à sa vocation séculaire et en son intérêt actuel. Affirmation dynastique, manifestée par un souci constant du protocole, si important cette matière, et par l'ambition familiale, conduite jusqu'au bord d'une crise européenne lors des mariages espagnols. L'autre trait de cette diplomatie, c'est un renversement spectaculaire des alliances, au profit de la seule monarchie parlementaire, l'Angleterre, qui a été la première à reconnaître la dynastie de Juillet, avec la liquidation des contentieux et la proclamation de l'entente cordiale entre les deux souverains. La diplomatie de Guizot, c'est enfin le refus de l'aventurisme, du bellicisme hérité de l'Empire et repris par Thiers, au profit d'une politique d'équilibre, de paix et de prospérité. Les leçons de l'histoire, proches et lointaines, sont partout présentes dans ses choix. La politique intérieure menée par Guizot paraît plus crispée, ponctuée de crises et de batailles parlementaires, et finalement réduite à une résistance à la réforme, à un refus du changement, qui paraît en définitive le contraire des leçons de l'histoire. Sans doute, la mort accidentelle du duc d'Orléans en 1842 et la jeunesse de l'héritier de la couronne ont enfermé le roi vieillissant et son ministre dans un immobilisme qui se voulait conservateur pour la dynastie et qui s'est révélé socialement explosif. La révolution de 1848 s'est faite en partie au cri de « Abba Guizot », ce qui est le signe au moins d'une incompréhension, d'une rupture avec l'opinion et d'un échec du gouvernement devant l'histoire. Mais Guizot ne reconnaîtra jamais avoir échoué. Il lui reste 26 années à vivre, une seconde et très féconde carrière d'historien, après le pouvoir. Il n'y aura pas de retour en politique, plus d'enseignement, mais des publications nombreuses et une influence considérable sur les esprits et sur l'opinion. Guizot va reprendre ses grands chantiers, il réédite et complète ses ouvrages précédents sur l'histoire de la civilisation, il prolonge par 4 volumes l'histoire de la Révolution d'Angleterre, mais sans aller pourtant jusqu'à son terme en 1688, il s'arrête en 1660 et donne un essai pour conclure très éclairant « Pourquoi la Révolution d'Angleterre a-t-elle réussi ?» Sous-entendu, et pas la Révolution en France. Mais il n'achève pas ce grand travail de la Révolution d'Angleterre, et c'est qu'il se consacre à un autre, la rédaction de ses mémoires, des mémoires d'État en 8 volumes, qui sont une autre forme d'ouvrage d'histoire. Il le complète par le recueil de ses discours parlementaires en 5 volumes, plus un volume de discours académiques, voilà qui s'appelle « Mettre ses papiers en ordre ». Il restait à Guizot à rouvrir un autre chantier, celui de l'histoire de France. Il le fit par un ouvrage qui ne connut pas la carrière qu'il méritait, je veux dire la carrière intellectuelle, car sa carrière éditoriale fut brillante. C'est l'histoire de France racontée à mes petits-enfants. 5 gros volumes in quarto, illustrés et richement reliés, qui ont meublé les bibliothèques des familles pendant des générations. C'est une histoire racontée et non une analyse structurale. Encore moins une philosophie. On y trouve des tableaux majestueux, attendus. L'auteur insiste sur les origines, réhabilite le Moyen-Âge, donne le récit de la formation de la nation française. La partie la plus originale est l'histoire de la réforme en France. L'auteur est là dans son sujet et sa peinture de la Renaissance est très personnelle. Non moins originale est la place donnée au jansénisme, sa comparaison avec le protestantisme et le tableau brossé du XVIIe siècle en relation avec la Révolution d'Angleterre. Il réhabilite globalement le grand siècle, mais c'est pour mieux critiquer le XVIIIe et la philosophie des Lumières. À travers tout le livre court le refus d'un cadre trop hexagonal pour raconter l'histoire de France. Son propos est essentiellement narratif et didactique. L'histoire de France est essentiellement l'histoire de l'apparition de cet élément central et original de la nation française, le tiers-État, c'est l'histoire de la bourgeoisie. Ce sera le dernier ouvrage de Guizot, sa conclusion d'historien en quelque sorte. Et notre conclusion de son portrait d'historien, essayons de le caractériser à travers son œuvre. L'œuvre écrite est considérable, plus de 90 volumes, admirable dans sa forme, dans sa méthode, dans son inspiration, mais elle est foisonnante. Aucune de ses parties n'est achevée et elle ne contient pas un grand livre qui la résumerait toute. D'autre part, les livres d'histoire ne sont qu'une partie de l'œuvre de l'écrivain, à quoi il faut ajouter 30 autres volumes de doctrine politique, de spiritualité, les discours et surtout l'immense correspondance qui est peut-être son plus beau titre littéraire. Ajoutons qu'à l'œuvre écrite s'ajoutons la création des institutions, l'animation des recherches et l'influence à travers toutes sortes de sociétés et les académies. Enfin, l'historien Guizot est inséparable de l'homme d'État et son œuvre écrite de son action, sa pensée de son combat. Et ses caractères rendent délicate la réponse qu'il convient de tenter maintenant de donner à la question « Peut-on faire confiance à l'historien Guizot ?» Je tenterai de le faire en 3 temps. Peut-on faire confiance à l'historien Guizot pour écrire l'histoire ? Assurément. Guizot possède à mes yeux une antériorité et une primauté parmi les historiens du XIXe siècle. Il est l'aîné et il est le maître. il a montré une virtuosité dans tous les registres, de l'activité historienne, de la haute philosophie à la simple correspondance. Une inlassable activité, une hauteur de vue et de ton, une fermeté de la pensée, et surtout une remarquable méthode pour faire progresser la connaissance, pondérer les influences, vérifier les sources, dégager les explications, et une intuition pour atteindre la vérité en dehors de toute position partisane. Guizot ne montre pas, il ne peint pas, il démontre, il explique, parce qu'il sait l'histoire. Mais il faut aussi marquer ses limites. Il est essentiellement l'historien des institutions, des régimes politiques. Il est moins que Michelet l'historien de la France intégrale. Ses sources se limitent le plus souvent à l'imprimé. Il néglige les inscriptions, les monnaies, les monuments, la langue même, et surtout la géographie. C'est Guizot qui oppose les deux méthodes, l'analyse, qui est seule scientifique, et la synthèse, qui est traditionnelle, et tend à recréer, c'est-à-dire, selon lui, à créer la légende ou des chimères. La première méthode est la sienne, la seconde, celle de Michelet, qu'il critique comme prétendant à une résurrection intégrale du passé, mais aboutissant, selon le Guizot, à une violente chimie morale. Par ses travaux accomplis avant 1830, Guizot a contribué à dégager l'histoire de la rhétorique, de la propagande, de la littérature et à faire triompher l'histoire érudite et, disons-le, scientifique. Il est le moins romantique des historiens du premier XIXe siècle, qui le sont tous à des degrés divers, comme Augustin Thierry et Michelet. Il a fait entrer dans l'histoire plus de vérité et Michelet plus de sentiments. Peut-on ensuite lui faire confiance dans sa tentative d'explication en tant que doctrinaire? Pour ma part, je réponds oui encore, bien que nous entrions ici dans le débat et même le combat d'idées. Les doctrinaires forment le groupe des royalistes libéraux sous la Restauration qui refusent à la fois la Révolution et le retour à l'Ancien Régime. Sur toute question, ils partent d'une analyse savante, historique et philosophique, puis ils dégagent les questions théoriques qui se posent et enfin, seulement, définissent une solution rationnelle, solution qu'ils défendent avec hauteur et dogmatisme. Guizot est leur inspirateur. Il a essentiellement voulu donner une interprétation de son temps, prévenir le retour à l'Ancien Régime, sous la Restauration, mais aussi le retour des secousses de la Révolution, et construire, à partir de là, la France nouvelle. L'ambition du doctrinaire est de parvenir à ce que, je le cite, « la société soit gouvernée par le maniement des esprits et non plus par le bouleversement des existences ». Mieux connaître la société pour la gouverner plus sûrement, tel est le rôle que s'assigne l'historien dit doctrinaire, qui ne séparera jamais de la pensée la politique, la théorie de la pratique. Il y parvient par sa conception primordiale de la durée, qui le conduit à rechercher la persistance de l'ancien dans la nouveauté, ou mieux encore, à discerner parmi les choses qui bougent ce qui ne bouge pas, et parmi les choses qui ne bougent pas ce qui bouge. Notre confrère René Raymond avait relu en 1974 les mémoires de Guizot pour savoir s'il s'y trouvait une explication de l'histoire. Il y décelait des tendances lourdes. La première est que l'histoire proche a obéi à des nécessités, à des enchaînements qui sont différents des épisodes ou des accidents de l'histoire. Le mot de nécessité revient constamment sous la plume de Guizot. Cette nécessité est supérieure, mais elle reste cachée. Et il semble que seuls ceux qui détiennent les commandes du pouvoir peuvent la connaître. Une deuxième tendance est un progrès continu de ce que Guizot appelle le sentiment général, et qui n'est pas encore l'opinion publique, mais qui prend de la force, et dont l'accord est nécessaire pour que la volonté du pouvoir se traduise dans la réalité des faits. Une troisième tendance est la sécularisation du monde, la séparation de la science et de la foi, l'émancipation de l'intelligence dont l'État moderne est le résultat. Existe-t-il chez Guizot une philosophie de l'histoire? Je ne le pense pas. Il n'est pas assez spéculatif, trop homme d'action pour cela. Mais il a une vision du progrès de la civilisation, qui se détache de la succession des faits, qui plane au-dessus de la vie des peuples et des nations, et qui serait comme l'âme de l'humanité. Et le paradis de cette âme, c'est la liberté. En réalité, Guizot a surtout cherché à faire l'éducation politique de son temps. La partie la plus vivante de son œuvre de doctrinaire, qui est essentielle à son époque et à la pensée politique de tous les temps, s'applique à la source de la souveraineté et à son aménagement. Il place cette origine non dans le monarque, qu'il soit de droit divin ou autre, ni dans le peuple, mais dans la raison. Et il l'aménage par le gouvernement représentatif, c'est-à-dire le régime parlementaire limité par le sens électoral qui assure seul le règne de la raison en conciliant liberté et pouvoir. On touche ici les limites de cette conception générale. Elle néglige l'économie. Elle ignore le mouvement démocratique. Elle minimise le jeu des intérêts matériels. Bien que Guizot ait été parfois invoqué par les marxistes comme l'inventeur de la notion de classe sociale, il fait profession d'idéalisme, c'est l'idée qui gouverne le monde, et à travers elle, ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Si la doctrine de Guizot a eu un tel retentissement, c'est qu'elle est indissociable de sa carrière politique, et inversement, que sa stature d'homme d'État est indissociable de sa réputation d'historien. Peut-on donc faire confiance aux gouvernants? Jules Simon a dit qu'il était le plus philosophe des politiques et le plus politique des philosophes. Son double effort, je le cite Guizot, de perfectionner la doctrine par l'étude des faits contemporains et de soumettre les faits contemporains à sa doctrine, a-t-elle été couronnée de succès? On a vu les limites de la doctrine. On ne peut que constater l'échec final du gouvernant. Dans ses mémoires, il résume son action à la tête du gouvernement, la résistance, la paix, les classes moyennes. Au moment d'opposer la résistance aux revendications réformatrices, les classes moyennes lui ont manqué. La force du doctrinaire, c'est en principe le refus de s'adapter aux circonstances au nom de la doctrine. C'est précisément ce refus qui perdit le gouvernant. Comment expliquer une telle incompréhension? Au moment fatidique, en 1847 et 1848, le sujet de l'affrontement est le plus aisé à surmonter. L'élargissement du droit de suffrage, comme conséquence du développement de l'instruction qui a Guizot pour auteur, et de la montée des classes moyennes. Et Guizot se refuse à toute concession, à une époque où l'Angleterre abaisse progressivement le sens électoral. Il y a plusieurs raisons à cela. Le pouvoir solitaire, la soumission au roi. Guizot reste en effet un homme de la monarchie, un homme d'État auprès du monarque, et n'imaginant pas une seconde d'empiéter sur ses prérogatives. Mais la raison profonde est autre. Elle est que ce qui compte dans une telle crise, ce n'est pas l'étendue de la concession, c'est de savoir à qui elle est faite, qui l'a arrachée. La réforme électorale est demandée par les républicains. Or, avant 1848, les républicains, ce sont les ennemis de toujours. Ce sont ceux qui veulent renverser la société comme ils l'ont fait en 1792. Pour Guizot, la réforme électorale, c'est le retour de la démocratie de 1793. Louis XVI avait fait des concessions, lui n'en fera pas. Et c'est le moment de rappeler qu'il est le fils d'un guillotiné, comme Louis-Philippe. Il est hanté par l'échec de la première révolution et le retour des violences, le bouleversement des existences précisément. D'où cette erreur de perception, relevé par Tocqueville à propos de 1830. Je cite Tocqueville. On avait à chaque fois pris la fin d'un acte pour la fin de la pièce. Sainte-Beuve lui reproche la même erreur en 1850, cette fois, et l'attribue précisément au doctrinaire. Je cite Sainte-Beuve. L'histoire, vue à distance, produit une illusion, la pire de toutes, celle qu'on la croit raisonnable. Cette faculté merveilleuse de sérénité, cet art souverain de conférer aux choses une apparente simplicité, une évidence décevante, et qui n'était que dans l'idée, a été une des causes principales de l'illusion qui a perdu le dernier régime. Je ne crois donc pas que l'on puisse faire confiance aux gouvernants, pas jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des gouvernants auxquels on puisse faire tout à fait confiance. Il reste que Guizot, par ses qualités éminentes d'intelligence, sa capacité de travail, son talent d'orateur et d'écrivain, reste le personnage qui a le plus profondément marqué le brillant mouvement intellectuel de ce premier XIXe siècle, dont Fauriel avait dit qu'il serait le siècle des historiens. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui, l'Académie des sciences morales et politiques avec Gabriel de Breuil. Une émission de Guillaume Rialan, Daniel Finot, Christine Goémé. Belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Votre matinée sur France Culture. 9h10, les lundis de l'histoire. Regard sur l'Inde à propos du livre Inde, la démocratie par la caste. Une histoire de mutation socio-politique 1885-2005 de Christophe Jaffrelot, directeur du Centre d'études internationales à l'Institut des sciences politiques. Avec l'auteur et Jean-Luc Racine, directeur d'études au CNRS. 10h, la nouvelle fabrique de l'histoire dans le cadre de la semaine spéciale archive France Culture INA, à suivre jusqu'à vendredi, s'arrête sur ce travail qui est de penser, classer, archiver. Ce lundi, mémoire individuelle avec William Carrel, réalisateur de documentaires, notamment Le Monde selon Bush. 11h, fiction feuilleton, le psychanalyste de Leslie Kaplan, adapté par l'auteur, l'histoire de Simon Skop, psychanalyste, dans son cabinet, mais aussi dans ses rencontres et celles avec Eva. 6e épisode, où Édouard a deux cravates et Marc connaît des fous. 11h30, les chemins de la connaissance. Cette semaine nous propose un ralentir travaux avec Farhad Khosrokavar, un échange sur islam iranien, islamisme et république. Né à Téhéran, Farhad Khosrokavar est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Le roman du monde par Henri Pénaruiz. Légende de la pensée, les vertiges de l'action. Aujourd'hui, la crue de la fortune ou le refus de la fatalité. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. On dit ordinairement de quelqu'un qui a été malheureux qu'il a connu une mauvaise fortune. La fortune ne lui a pas été favorable. Ainsi, on désigne sous ce terme de fortune une sorte de force impersonnelle qui, quelquefois, nous serait hostile, quelquefois aussi nous serait favorable. Qu'est-ce qui dépend donc de la fortune et qu'est-ce qui dépend de notre volonté agissante, de notre capacité d'initiative? Machiavel, le grand penseur de la politique, propose une comparaison tout à fait éclairante en invoquant ce fléau qui souvent ravage les villes, les campagnes, la crue d'un fleuve et l'action que l'homme peut entreprendre pour maîtriser ce fléau ou plutôt pour en maîtriser les conséquences. Et ainsi, il essaie d'invoquer à travers cette comparaison le rapport qui peut exister entre la fortune, le sort, le cours des choses et la volonté agissante de l'homme soucieuse de lucidité. Notre libre arbitre ne soit pas éteint, j'estime qu'il peut être vrai que la fortune soit maîtresse de la moitié de nos œuvres, mais qu'aussi elle nous en laisse gouverner à peu près l'autre moitié. Je la compare à l'une de ces rivières coutumières de déborder, lesquelles se courroucent, noient alentour les plaines, détruisent les arbres et les maisons, dérobent d'un côté de la terre pour en donner autre part. Chacun fuit devant elles, tout le monde cède à leur fureur, sans y pouvoir mettre rempart aucun. Et, bien qu'elles soient ainsi furieuses en quelques saisons, pourtant les hommes, quand le temps est paisible, ne laissent pas d'avoir la liberté d'y pourvoir, et par rempart et par levée, de sorte que si elles croissent une autre fois, ou elles se dégorgeaient par un canal, ou leur fureur n'aurait point si grande licence et ne serait pas si ruineuse. Ainsi en est-il de la fortune, laquelle démontre sa puissance aux endroits où il n'y a point de force dressée pour lui résister, et tourne ses assauts au lieu où elle sait bien qu'il n'y a point de rempart, ni de lever pour lui tenir tête. Ce chapitre du Prince de Machiavel est tout à fait exemplaire de la façon dont son auteur concevait l'articulation entre l'action humaine et les circonstances qui ne dépendent pas de l'être humain. Ainsi, il ne s'agit pas pour penser la liberté humaine d'imaginer que les hommes puissent faire tout ce qu'ils veulent dans n'importe quelle circonstance, mais d'appréhender la façon dont ils peuvent agir à partir de la compréhension de ce qui advient et des causes naturelles. L'eau vive du torrent fait tourner les pales du moulin. Mais demain, lorsque le torrent aura débordé de son lit, elle submergera tout dans un fracas de pierres, de boue, de troncs arrachés. Ainsi, cette nature que nous sommes prompts à accuser ne veut rien, ne vise aucune fin. Pourquoi, sinon, ferait-elle tourner les pales du moulin et moudre le grain afin d'alléger la tâche des hommes? nature ne produit que des effets, selon une causalité que l'on peut considérer comme aléatoire, puisque elle est tantôt productrice de bons effets, tantôt productrice de mauvais effets. Aucune vision unilatérale, qu'elle soit pessimiste, mauvaise nature, ou optimiste, une bonne nature qui a tout prévu, ne peut donc en rendre compte pleinement. Seule la superstition de l'homme, qui, mû par son espoir ou par sa crainte, s'attache à prêter quelque intention à la nature, va donner à cette nature une finalité qui n'existe pas en elle. Il faut se débarrasser de ces projections superstitieuses, et alors, le cours du monde ne s'appellera plus providence ou destin. Il sera cette fortune impersonnelle qui n'est autre chose que le développement des lois naturelles. Ainsi, la nature est comme dédramatisée. Nulle puissance tutélaire ne veille, et les hommes n'ont à craindre ou à espérer que les conséquences de leurs initiatives. Épictète, le philosophe stoïcien, avait déjà posé la grande question de l'action. Qu'est-ce qui dépend de nous? Qu'est-ce qui ne dépendait pas de nous? Ce n'était pas une invitation à une sorte de résignation passive que le philosophe du stoïcisme développait ainsi. C'était simplement une invitation faite à tout homme pour qu'il prenne la mesure de ce qu'il peut réellement, afin de renoncer à infléchir ce qui ne dépend pas de lui. Ainsi, dans l'exemple de Machiavel, il ne dépend pas de l'homme d'empêcher les crues, du moins dans une première approche. Peut-être ensuite pourra-t-il réguler le cours des fleuves avec des barrages et des retenues. Mais pour l'instant, tant qu'il ne peut pas empêcher la crue, il doit s'efforcer d'empêcher ses conséquences les plus tragiques. Édifier des digues pour protéger des villages, essayer de détourner les eaux. Et cela, il ne peut le faire qu'après la décrue, en période où il devra faire jouer sa prévoyance. Stoïcienne, qui distingue ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous, appelle donc la lucidité consciente d'un tel partage. Il s'agit de distinguer la démission servile et la résolution sereine à agir efficacement. Ainsi, la détermination à faire tout ce qui dépend de soi va permettre à l'humanité de développer ce qui est possible. Cette résolution, Machiavel lui donne le mot latino-italien de « virtu », c'est-à-dire à la fois courage et résolution à agir, ce qu'on appelait la valeur au sens cornélien. La valeur n'attend pas le nombre des années. La virtu, c'est donc cette détermination à agir, et la virtu va entrer en composition avec la fortuna. Fortuna, pour Machiavel, c'est le cours des choses qui est à la fois la nécessité, si l'on considère que rien n'advient sans cause, et le hasard, si on délivre la nature de toute finalité secrète. Si le lit d'un fleuve déborde, ce n'est pas pour punir les hommes, c'est simplement en raison des lois qui ont fait qu'il a plu beaucoup et qu'il y a un afflux massif d'eau. L'impétueux cours d'eau qui déborde son lit est donc une image de cette fortuna dévastatrice. Mais la rivière canalisée qui va actionner les moulins et irriguer les champs serait aussi une autre image de cette fortuna. C'est dire qu'en laissant les crues se reproduire indéfiniment sans édifier des digues ou des barrages, ce sont les hommes eux-mêmes qui font de la fortune une puissance redoutable. L'auteur du Prince reprend le terme virtu, qui recouvre à la fois ce courage d'agir et cette sagesse qui est propre à l'action efficace. Et il précise que ce sont les éclipses de la virtu qui font la consistance de la fortuna. Celle-ci ne se donne libre cours que lorsque l'homme s'abstient d'agir. Tout moment n'est d'ailleurs pas propice pour l'action, et ce n'est certes pas quand les eaux boueuses déferlent que les hommes peuvent le mieux sauver corps et biens. La fortune prend alors l'allure d'une force incontrôlable, irrépressible, qui submerge et suffoque. On pense à la tragédie récente du tsunami, qui a tout enseveli sous son passage. Une image qui se noue aux grandes peurs collectives et redonne consistance au fatalisme le plus irrationnel. La crue inexorable emporte tout, sans que l'homme puisse esquisser une quelconque parade. De même, les coulées de lave lors d'une éruption volcanique emportent tout. Malheur à qui se trouve sur son passage. Il en est de même, souvent, de la folle violence des guerres où l'œuvre de mort semble surgir d'un vieux fond maudit, impossible à contrer. Enclenchée, la guerre des hommes prend allure de cataclysme. De la tempête, elle semble avoir le déferlement imprévisible. Comme la crue, elle emporte et dévaste tout sur son passage. Comme l'irruption volcanique, elle détruit, enflamme, blesse et ravage. Image de l'horreur que l'homme emprunte à la nature, mais que la nature, en fait, n'accomplit souvent qu'en raison de la démission des hommes. Démission des hommes devant les guerres, qui ne sont pas fatales. Démission des hommes, quelquefois, devant les catastrophes naturelles, qui ne le sont pas non plus. Le déluge de bombes et la dérive multiforme des haines prennent l'allure d'une tourmente irrésistible, dont les victimes impuissantes semblent subir les effets sans pouvoir agir sur les causes. L'idée que les guerres sont fatales, que l'histoire n'est que mauvaise fortune, repose sur l'oubli de la responsabilité première qui est humaine. Certes, tout n'est pas possible en toutes circonstances, le réel change et l'action humaine doit s'en ressentir. On ne peut dès lors appliquer de recettes, ni croire qu'il suffira d'une volonté résolue. Il faut également cultiver cette lucidité qui permet d'identifier pour agir le moment opportun, ce qu'Aristote appelait le kairos. Bonjour à tous, bienvenue sur France Culture, Nicolas Demorand au micro. Le programme de ce lundi 5 septembre, une émission sur l'Allemagne en plusieurs volets. Tout d'abord à 7h20, les enjeux internationaux avec un premier bilan des années de pouvoir du chancelier Schröder. Puis à 7h40, on poursuivra donc la réflexion sur l'Allemagne à la veille des législatives du 18 septembre prochain. Pronostics, sondages, éditorialistes promettent une victoire nette à la CDU, le parti conservateur dirigé par Angela Merkel. Pour Gerhard Schröder, l'essentiel étant, nous disent les mêmes analystes, de limiter l'ampleur de la défaite. Hier soir se tenait en Allemagne à la télévision le seul et unique débat opposant Angela Merkel et Gerhard Schröder. Victoire au chancelier médiatique, comme on l'appelle. Victoire donc à Gerhard Schröder, même si cette passe d'armes médiatique et télévisuelle ne devrait pas, nous disent toujours les analystes, remettre en cause la dizaine de points d'avance que compte la CDU d'Angela Merkel. C'est donc à un moment important que s'apprête à vivre notre voisin allemand. Il y a des reconfigurations politiques qui sont en jeu, l'émergence notamment d'un nouveau parti de gauche. On essaiera de voir tout à l'heure sur quelle base idéologique, en tout cas, il s'assoit. Un moment qui aura aussi des effets, sans doute, pour le fameux couple franco-allemand. Un moment important pour l'Europe également, notamment autour du dossier turc. Il y a eu un échange hier très vif entre Gerhard Schröder et Angela Merkel sur le sujet. De toutes ces questions, on va parler vers 7h40 avec le grand spécialiste de l'Allemagne, Alfred Grosser, historien, professeur émérite à Sciences Po. est tout juste 7h sur France Culture, première édition du journal Jean-Louis Crimon. Bonjour, rien, vraiment rien, personne, vraiment personne ne m'empêchera d'aller jusqu'au bout de la mission que vous m'avez fixée. Nicolas Sarkozy a tenu ce week-end à La Baule dans le cadre de l'université d'été de l'UMP à montrer un tempérament résolument offensif pour mieux prendre sans doute ses distances avec la concurrence nommée Dominique de Villepin, le Premier ministre qui a demandé au président de l'UMP de ne pas sauter à pieds joints sur les 20 prochains mois d'ici à la présidentielle de 2007. Dans un instant, récit de François-René Christiani, envoyé spécial de la rédaction de France Culture à La Baule. En Allemagne, Nicolas Demorand vous le disait à l'instant, comme prévu à 2 semaines des législatives, le débat télévisé entre Gerhard Schröder et Angela Merkel a tourné à l'avantage du chancelier sortant, même si Angela Merkel a surpris par son assurance à défendre ses convictions conservatrices. Correspondance à Berlin, Claude Bruyot. Enfin, à Pékin, l'accord est en vue en ce qui concerne la collection textile d'automne bloquée aux frontières des 25 États membres de l'Union. La Commission européenne entend en effet résoudre le différend de manière positive et constructive, nous expliquera de Pékin Éric Meyer. Mais retour tout d'abord sur le léger accident vasculaire cérébral de Jacques Chirac. Le président a été hospitalisé, vous le savez, vendredi soir dans le service de neurologie de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce. Âgé de 72 ans, Jacques Chirac doit observer un repos d'au moins 1 semaine. Le chef de l'État a donc dû annuler tous ses rendez-vous pour les jours à venir. Et si l'on en croit le texte du communiqué du service de santé des armées publié hier après-midi, son état général et son bilan sont très satisfaisants. Reste, Hélène Cardin, que le fait que le patient Jacques Chirac doive patienter toute 1 semaine avant de reprendre sa pleine activité pose un certain nombre de questions. Le communiqué publié hier par le service des armées était à ce point laconique que toutes les interprétations sont possibles. Et si on a cru un moment que le président devait être hospitalisé pour faire toute une série d'examens, il a fallu se rendre à l'évidence. Les investigations nécessaires se font en moins d'une journée et ne nécessitent pas une hospitalisation. Donc, en dépit de toute information médicale, supputations et rumeurs se partagent le terrain. On a cru que l'accident vasculaire cérébral du président était transitoire, c'est-à-dire que les troubles, comme celui de la vision, régresserait très rapidement. Il semble maintenant que cet accident vasculaire soit constitué, c'est-à-dire plus grave, avec des séquelles qui tardent à régresser. Le président aurait pu, par exemple, faire un accident de type hémorragique. Le repos serait alors nécessaire jusqu'à ce que l'hématome se résorbe. Une hypothèse confortée par une autre rumeur, le président aurait souffert d'arythmie et donc suivi un traitement anticoagulant, d'où l'hémorragie. Seul un bulletin de santé précis permettra de savoir exactement de quoi souffre le président et surtout de quelles précautions il devra s'entourer pour l'avenir. Et tout naturellement, à La Baule, où l'UMP tenait son université d'été, l'hospitalisation du président de la République a été au centre des interventions des responsables politiques. Et si Dominique de Villepin a tenu à s'inscrire dans la fidélité à Jacques Chirac, s'opposant habilement en héritier, voire en dauphin, Nicolas Sarkozy, lui, a confirmé sa volonté de rupture et de changement avec les 30 dernières années. Face aux jeunes populaires de l'UMP, le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur ont donc passé le week-end à accentuer leurs différences, différence au niveau du constat, différence au niveau de l'analyse, différence encore pour les solutions, avec cependant sans doute au fond une même ambition, La Baule, François-René Christiani. L'hospitalisation de Jacques Chirac a en partie vidé de sa substance l'université d'été des jeunes populaires de M. Sarkozy et privé le président de l'UMP d'un face-à-face programmé avec le Premier ministre, que d'ailleurs les entourages s'étaient employés à nourrir de petites phrases assassines. Mais surtout, l'impromptu chiraquien a mis en lumière une très sensible redistribution des cartes dans l'exécutif et dans la majorité. Les jeunes UMP, pourtant encadrés et briefés à toute occasion par la direction sarkozyste, ont ainsi redécouvert l'existence de Jacques Chirac et fait bon accueil à Dominique de Villepin. Du côté des élus et des parlementaires, les avis se sont faits d'un coup moins tranchants et la cote du Premier ministre a monté d'un cran. À quelques heures de ces 100 jours, il semble incarner aux yeux de beaucoup l'action, le mouvement, la capacité à décider vite, quand Nicolas Sarkozy ne peut pour l'instant que promettre le changement, ou comme il dit dans un emprunt à François Bayrou, la rupture. Mais voilà, le plan de croissance sociale de Dominique de Villepin a beaucoup asséché sa boîte à idées et son catalogue de recettes pour tournebouler le modèle social français. Eh bien, ce catalogue patine un peu. Surtout, le Premier ministre n'est plus aujourd'hui le subalterne de Jacques Chirac, tandis que le ministre de l'Intérieur, lui, est pris au piège de son appartenance au gouvernement.